Fioretti, ou Petite fleur de saint François d'Assise, légende du Moyen Âge, traduite pour la première fois par Monsieur Labériche. Chapitre 18. Du merveilleux chapitre que tint saint François à sainte Marie des Anges, et où l'on vit plus de 5000 frères. Note. Ce chapitre eut lieu en 1219, le jour de la Pentecôte. C'est une chose prodigieuse d'y voir assister 5000 religieux, surtout quand on pense qu'il en était demeuré dans les couvents, que l'ordre n'avait que 10 ans d'institution, et que les novices avaient toujours été reçus par l'instituteur, excepté depuis le chapitre de l'année 1216, où il avait permis aux ministres provinciaux d'en recevoir. Ce fait néanmoins constant, il est attesté par 4 compagnons de saint François qui y étaient présents, par saint Bonaventure, qui a vécu avec eux, et par beaucoup d'autres, et il n'y a point d'auteur moderne qui ne le rapporte comme avéré. Fin de la note. Le fidèle serviteur du Christ, saint François, voulut tenir à sainte Marie des Anges un chapitre général de son ordre, et il y réunit plus de 5000 de ses frères. Saint Dominique, général et fondateur de l'ordre des frères prêcheurs, qui se rendait alors de Bourgogne à Rome, se détourna avec 7 de ses religieux pour y assister, et l'on y vit aussi un cardinal très dévoué à saint François et auquel ce bienheureux avait prédit qu'il serait pape. Note. Le cardinal Ugolin, que le pape Honorius III avait donné pour protecteur à l'ordre des frères mineurs, sur la demande que lui en avait faite le saint instituteur, d'après une révélation qu'il avait eue à ce sujet. Devenu pape, suivant la prédiction de saint François, Ugolin prit le nom de Grégoire IX, et ce fut lui qui canonisa à Assise même celui dont il avait été le protecteur et l'ami. Fin de la note. Ce prélat, qui avait quitté Pérouse, où se trouvait alors la cour romaine, pour venir à Assise, visitait chaque jour le chapitre. Il y chantait quelquefois la messe, d'autres fois il y prêchait, et c'était toujours pour lui un bonheur et une consolation de pouvoir se trouver au milieu de cette sainte assemblée. À la vue de ses frères assis dans la plaine autour du couvent de Sainte-Marie des Anges, et partagés par groupes de 40, de 80 et de 100, à la vue de ces hommes occupés à s'entretenir de Dieu, à donner à la prière, aux larmes et aux exercices de la charité, à la vue de cette réunion qui se tenait dans un si profond silence et dans une si grande modestie qu'on n'y entendait pas la moindre rumeur, le moindre mouvement qui pût distraire. À la vue d'une multitude si considérable et réglée par une discipline si exacte, il se sentait ravi d'admiration, et, versant des larmes, il s'écriait dans la ferveur de son âme, oui, c'est vraiment ici que se trouve le camp et l'armée des chevaliers de Dieu. Dans une si grande assemblée, on n'entendait pas un mot léger, pas une plaisanterie, quelques frères se réunissaient-ils, c'était pour prier, réciter l'office, pleurer leurs péchés et ceux de leurs bienfaiteurs, et s'entretenir du salut des âmes. Toute la plaine où les frères se trouvaient réunis était couverte de tentes faites avec des claies et des nattes. Elles étaient divisées en différents groupes, selon les diverses provinces auxquelles appartenaient les frères qui les habitaient. Et ce fut cette circonstance qui fit donner au chapitre le nom de chapitre des claies ou des nattes. La ternue servait de lit aux frères. Quelques-uns seulement prenaient un peu de paille, une pierre ou un morceau de bois leur tenait lieu d'oreiller. Une telle mortification excita une si grande dévotion dans tous ceux qui en étaient témoins ou qui en entendaient parler, le bruit de la sainteté des religieux se répandit si promptement, que de Pérouse, où se tenait alors la cour du pape, et des autres contrées de la vallée de Spolète, accourut bientôt, pour les voir, une foule de comtes, de barons, de chevaliers et d'autres gentilshommes. On vit arriver aussi des cardinaux, des évêques et des abbés avec un grand nombre de clercs. Tous voulaient être témoins d'une réunion si nombreuse, si sainte, si admirable par les exemples d'humilité qu'elle présentait, d'une réunion telle, enfin, que jamais le monde n'en avait vu de semblable. On accourait surtout pour voir le chef très saint de cette pieuse milice, celui qui avait ravi au monde d'une si belle proie, rassembler un troupeau si saintement composé, pour le faire marcher à la suite de Jésus-Christ, le vrai pasteur. Le chapitre général une fois réuni, Saint François, le père et le ministre, dans la ferveur qui l'animait, se mit à expliquer la parole de Dieu et à prêcher ce que l'Esprit Saint lui inspirait. Voici les paroles qui firent le sujet de son discours. Nous avons promis à Dieu de grandes choses, mais il nous en a promis de plus grandes encore. Gardons les unes, soupirons après les autres. Le plaisir est court, la peine est éternelle, les souffrances sont légères et la gloire infinie. Ces paroles, qu'il développait avec ferveur, excitaient les frères à l'obéissance et les y confirmaient. Elle les portait au respect pour la Sainte Église leur mère, à la charité fraternelle, à la prière pour tous les pécheurs, à la patience dans les afflictions, à la modération dans la prospérité, à la modestie, à la chasteté, à la paix et à la concorde avec Dieu, avec le prochain et avec sa propre conscience, enfin à l'amour et à l'observance de la sainte pauvreté. Saint François ajouta encore, « Par le mérite de la sainte obéissance, je vous ordonne, à vous tous qui êtes ici rassemblés, de n'avoir aucune sollicitude au sujet de votre subsistance et des autres besoins temporels. Appliquez-vous uniquement à prier et à louer Dieu, laissez-lui tout le soin de subvenir à vos nécessités corporelles, et soyez sans inquiétude, car ce bon Père a pour vous une sollicitude toute spéciale. » Cet ordre fut reçu de tous les frères, l'allégresse dans le cœur, la joie sur la figure, et quand Saint François eut cessé de parler, tous se mirent en prière. Cependant Saint Dominique, témoin de tout ce qui se passait, s'étonnait beaucoup de la recommandation que Saint François venait de faire à ses frères, et il la regardait comme indiscrète. Il ne pouvait comprendre qu'une si grande multitude d'hommes pût être maintenue sans qu'aucun d'eux s'occupât de ce qui était nécessaire à leur subsistance. Mais le premier pasteur, le Christ béni, voulant montrer le soin qu'il a de son troupeau et l'amour singulier qu'il porte à ses pauvres, inspira aussitôt aux habitants de Pérouse, de Spolète, de Foligno, de Spello, d'Assise et des autres pays d'alentour d'apporter ce qui était nécessaire à l'entretien de cette sainte réunion. Bientôt l'on vit arriver des hommes conduisant des bêtes de somme, des chevaux et des chariots chargés de pain, de vin, de fèves, de fromage et de tout ce dont les pauvres du Christ pouvaient avoir besoin. On apportait aussi des tables, des pots, des coupes, des verres, enfin toute la vaisselle nécessaire pour leur repas, et ceux-là s'estimaient les plus heureux qui pouvaient le plus contribuer à leur rendre service. Ce fut au point que l'on vit des chevaliers, Des barons et d'autres gentilshommes que la curiosité avait conduits au lieu du chapitre, s'empressaient eux-mêmes de servir les frères avec humilité et respect. À ce spectacle, voyant que la Providence veillait d'une manière si spéciale et si manifeste sur ces saints religieux, saint Dominique reconnut la témérité du jugement qu'il avait porté en regardant comme indiscret les ordres que saint François avait donnés. Il alla le trouver, et se jetant à ses pieds, il s'accusa humblement de sa faute et lui dit « Oui, véritablement, Dieu prend un soin tout particulier de ces saints pauvres, et je ne le savais pas, mais maintenant, moi aussi, je promets d'observer la sainte pauvreté de l'Évangile, et, de la part de Dieu, je maudis tous les frères de mon ordre qui prétendraient conserver quelque propriété. » Saint Dominique se retira donc fort édifié de la foi qui animait saint François, de l'esprit de pauvreté qu'il avait admiré dans une assemblée si nombreuse et si bien ordonnée, de la providence divine qui se manifestait d'une manière si éclatante, et des bonnes œuvres qui se multipliaient avec tant de zèle. Ce fut encore au temps de ce chapitre que saint François connut, par révélation, qu'un grand nombre de frères portaient sur la chair des cilices des cercles de fer, ce qui occasionnait une multitude d'infirmités qui mettaient la plupart d'entre eux dans l'impossibilité de vaquer à la prière, quand ils avaient assez de force pour ne pas succomber entièrement. Aussitôt, comme un père plein de discrétion, il ordonna, au nom de l'obéissance, à tous ceux qui portaient ces instruments de mortification de les retirer et de les déposer devant lui. Les frères obéirent, et l'on compta jusqu'à 500 cilices et un bien plus grand nombre encore de cercles de fer que l'on avait portés au bras ou ailleurs, tout cela formait un énorme monceau. Saint François défendit aux frères de rien reprendre. Enfin, le chapitre terminé, après les avoir affermis dans le bien, après leur avoir enseigné les moyens de se conserver sans péché, malgré la perversité du monde, il leur donna la bénédiction de Dieu et la sienne, et les renvoya dans leur province tout remplis d'une sainte joie. Chapitre 19. Comment la vigne du curé de Rieti, chez lequel saint François était en prière, fut toute dépouillée de ses raisins par la foule qui accourait vers le saint. Comment ensuite, suivant la promesse de saint François, le curé fit, cette année, plus de vin que jamais. Comment, enfin, Dieu révéla à saint François qu'il aurait le paradis en partage. Dans un temps où saint François souffrait beaucoup des yeux, le cardinal Ugolin, protecteur de l'ordre, qui avait pour lui la plus vive affection, lui écrivit de venir à Rieti, où se trouvaient des oculistes de grande réputation. Le saint obéit, mais avant de se rendre près du cardinal, il se mit d'abord en route pour Saint-Damien, où demeurait la très dévote épouse du Christ, Sainte-Claire, à laquelle il désirait porter quelques consolations. La nuit qui suivit son arrivée à ce monastère, il sentit ses yeux s'affaiblir tellement, que bientôt il perdit l'usage de la vue. Il se trouva donc obligé d'ajourner son départ et de consentir à ce que Sainte-Claire lui fît disposer une pauvre cellule de roseau où il pût se retirer et prendre quelque repos. Mais ce repos lui était impossible la nuit comme le jour. Tourmenté qu'il était, et par les douleurs de ses yeux et par l'importunité des souris qui rôdaient continuellement dans sa cellule. Au milieu de ces tourments qu'il supportait avec résignation, il lui vint en pensée que c'était là une adversité que Dieu lui envoyait pour l'expiation de ses péchés, et, dans cette conviction, de tout son cœur, Il rendait grâce à la bonté divine et s'écriait, « Oh oui, je ne suis que trop digne de ces tribulations, j'en mérite de bien plus grandes encore. Jésus-Christ, mon Seigneur, bon pasteur dont la miséricorde s'exerce jusque dans les angoisses et les peines temporelles que vous envoyez à des pécheurs tels que nous, ô daignez m'accorder, à moi votre pauvre petite brebis, la grâce et le courage de ne jamais me séparer de vous, quelles que soient les infirmités, les tribulations et les douleurs que vous fassiez tomber sur moi. » Il priait ainsi, lorsqu'une voix du ciel se fit entendre et lui dit, « François, réponds-moi, si toute la terre se transformait en or, si les eaux des mers, des fontaines et des rivières se changeaient en baume, si toutes les montagnes, les collines et les rochers devenaient autant de pierres précieuses, si ensuite tu trouvais un autre trésor qui l'emporta autant sur tout cela que l'or l'emporte sur la terre, le baume sur l'eau, les pierres précieuses sur les montagnes et les rochers, et que ton infirmité te procura ce magnifique trésor, ne serais-tu pas au comble du bonheur et de la joie ?» Ô Seigneur, répondit saint François, je suis indigne de ce précieux trésor. Réjouis-toi, François, reprit la voix divine, car c'est celui que je te réserve, c'est le trésor de la vie éternelle. Dès aujourd'hui, je t'en donne l'investiture, et les infirmités et les afflictions que tu endures maintenant sont les arts qui t'en assurent la possession. Dès que la voix eut cessé de se faire entendre, saint François, plein de joie d'une si glorieuse promesse, appela son compagnon et lui dit, « Allons maintenant trouver le cardinal. » Puis, après avoir consolé Sainte-Claire par ses pieux entretiens, il prit humblement congé dès les parties pour Yéti. Arrivé près de cette ville, il vit accourir à sa rencontre une grande multitude de peuples. Cette circonstance l'engagea à différer son entrée à Rieti, et il se retira dans une église qui se trouvait environ à 2 000 de là. Dès que les habitants de la ville connurent le lieu de sa retraite, ils s'y précipitèrent avec tant d'empressement, qu'une vigne qui se trouvait près de l'église fut toute ravagée et dépouillée de presque tous ses raisins. La vue de ce désastre attrista fort le curé qui en était le possesseur, et il se repentit d'avoir reçu saint François chez lui. Mais le saint, ayant eu révélation de ses sentiments, le fit appeler et lui dit, « Bon père, combien cette vigne vous rend-elle de vin dans les meilleures années ?»« 12 mesures, répondit le curé. « Eh bien, reprit le saint. Je vous en prie, Père, souffrez patiemment que je reste encore quelques jours dans cette église où je goûte un si doux repos, pour l'amour de Dieu et de son petit pauvre. Laissez encore à chacun la liberté de cueillir vos raisins, et, je vous le promets de la part de Jésus-Christ mon Seigneur, tous les ans, désormais, votre vigne vous rapportera 20 mesures de vin. » Or, saint François désirait prolonger son séjour en cet endroit, à cause des grands fruits qu'il voyait s'opérer dans les âmes de ceux qui accouraient vers lui, et dont un grand nombre se retirait enivré de l'amour de Dieu et avec la résolution de renoncer au monde. Le curé crut à la parole du saint, et laissa ses raisins à la libre disposition de ceux qui se rendaient vers lui. Au miracle, la vigne fut entièrement ravagée, à peine quelques grappes furent-elles laissées, et cependant, quand vint le temps de la vendange, le curé recueillit ses grappes, les mit dans la cuve, les foula, et, selon la promesse de saint François, il en retira 20 mesures d'un excellent vin. Par ce prodige, Dieu donnait à entendre que, De même que la vigne dépouillée de ses raisins avait cependant rendu du vin en abondance, par les mérites de saint François, de même aussi le peuple chrétien, frappé de stérilité par le péché, rapportait néanmoins les fruits de pénitence les plus abondants et les plus précieux, par les mérites et les enseignements de ce grand saint. Markham Dan Archivorg d'après Books Google FR et Archivorg Ambroise Bray 1859 et Bray Reto 1883. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.